Et maintenant, plongeons dans le passé d'autres verbes, comme par exemple construire. Construire se dit bauen. Bauen. B-A-U-E-N. Bauen, c'est construire. Comment diriez-vous « j'ai construit cela » ? Ich habe es, es gebaut. Ich habe es gebaut. C'est ça. Et comment diriez-vous « c'est construit » ? Es ist gebaut. Très bien. Es ist gebaut. À partir des plongeoires « être »,« avoir », mais aussi dans certains cas « werden », il ne vous reste qu'à plonger dans le passé. Et maintenant, comment diriez-vous « c'est en train d'être construit » ? Littéralement, « ça devient construit ». Es wird gebaut. Bien. Es wird, oui. Après quoi, vous plongez. Vous avez donc maintenant trois plongeoires. Avoir, être et werden. Werden. Mais bien sûr, il y a une différence entre es ist gebaut, c'est construit, et es wird gebaut, c'est en train d'être construit. Comment diriez-vous en regardant le bâtiment achevé, c'était construit? Es ist. On n'attend pas un présent, mais un passé. C'était construit? Oh. Es war gebaut. Es war gebaut. Oui. Et comment diriez-vous c'était construit au sens de c'était en train d'être construit? Là, vous vous intéressez à la construction, à son déroulement. Es war gebaut. Es war veut dire seulement c'était. Pour c'était en train de, il faut employer werden au passé. Donc wurde. Alors comment diriez-vous c'était en train d'être construit? Es wurde gebaut. Es wurde gebaut. Ces maisons, diese Häuser, étaient en train d'être construites. Comment diriez-vous cela? Diese Häuser. Diese Häuser. Wurden. Bien. Wurden. Gebaut. Bien. Diese Häuser wurden gebaut. Et maintenant, comment diriez-vous ça a été construit au sens de ça a été en train d'être construit, c'est-à-dire c'est devenu construit. En fait, on voit que là, il y a deux participes passés qui se suivent, devenu et construit. Construit du verbe bauen, construire, qui donne gebaut, et devenu qui se dit geworden. Tout à fait, geworden. Es ist geworden signifie c'est devenu. Et maintenant, vous pouvez associer construit et devenu. Gebaut. Es ist gebaut geworden. Ah, c'est ce que la phrase devrait donner. Es ist gebaut geworden. Mais ce n'est pas la forme correcte. Lorsque geworden suit un participe passé, ici gebaut, vous devez supprimer le ge, G-E, et employer worden au lieu de geworden. Auparavant, vous avez utilisé geworden avec des adjectifs comme dunkel dans es ist dunkel geworden, ça s'est assombri, c'est devenu sombre, ou es ist spät geworden, il s'est fait tard, c'est devenu tard. Pour dire clair, le contraire de sombre, dunkel, on dira hell, H-E-2-L, hell, avec un H bien aspiré. Hell. Es ist hell. Es ist sehr hell hier. Il fait très clair ici. Pensez au ciel qui est clair. Clair comme le si hell. Vous pouvez aussi associer hell à des couleurs. Bleu clair, hell blau. Ou hell grün, vert clair. Donc, comment diriez-vous ça s'éclaircit? Littéralement, ça devient clair. Es. Es werde. Pas tout à fait. Es. Wird. Es wird. Es wird hell. Es wird hell. Comment diriez-vous ça s'est éclairci? Littéralement, c'est devenu clair. Es ist hell worden. Après toutes les formes de avoir ou être, vous devez plonger. Quelle forme adopte werden après un adjectif? Geworden. Es ist hell geworden. Bien, es ist hell geworden. Ça s'est éclairci, c'est devenu clair. Mais si vous voulez dire ça s'éclaircissait, littéralement ça devenait clair, alors c'est es wurde hell. Et comment diriez-vous ça s'éclaircira, littéralement ça deviendra clair? Es wird hell werden. Werden, oui. Es wird hell werden. Et ça s'assombrirait trop? Littéralement, ça deviendrait trop sombre? Es wird? Ça deviendrait. Es würde. Würde. Es würde zu dunkel werden. Bien. Es würde zu dunkel werden. Et maintenant, ça serait trop sombre. Es wäre zu dunkel. Bien. Es wäre zu dunkel. Comment diriez-vous il aurait fait trop sombre? C'est-à-dire, ça aurait été trop sombre. Maintenant, il vous faut dire ça aurait été. Mais en plongeant du plongeoir être. Es wäre gewesen. Es wäre gewesen. Très bien. Là, vous plongez depuis le plongeoir être, donc pour ça aurait été, vous ne dites pas es hätte gewesen, mais es wäre gewesen. Bien, alors maintenant, vous pouvez dire toute la phrase, ça aurait été trop sombre. Es wäre zu dunkel était gewesen. Es wäre zu dunkel gewesen. Il aurait fait trop sombre. Ça aurait été trop sombre. Et maintenant, comment diriez-vous ça se serait trop assombri? Littéralement, ce serait devenu trop sombre. Es wäre zu dunkel geworden. Très bien. Es wäre zu dunkel geworden. Ça se serait trop assombri. Ça serait devenu trop sombre. Qui se distingue de es wäre zu dunkel gewesen. Il aurait fait trop sombre. Ça aurait été trop sombre. C'était trop sombre, se dirait. Es war zu dunkel. Bien. Es war zu dunkel. Comment diriez-vous ça s'assombrissait trop? Ça devenait trop sombre. Es wurde zu dunkel. Es wurde zu dunkel. Et ça a été trop sombre? Il a fait trop sombre? Es ist zu dunkel geworden. Je gardais geworden pour la question suivante. Ah, gewesen. Oui, ça a été, es ist gewesen. En allemand, le verbe être plonge dans le passé à partir du plongeoir être. Donc, on ne dira pas, cela a été, es hat gewesen, mais cela est été, es ist gewesen. Reprenons encore une fois. Ça a été trop sombre. Il a fait trop sombre. Ça sera es. Es ist zu dunkel gewesen. Es ist zu dunkel gewesen. Oui. Donc, si vous voulez dire ça s'est trop assombri, c'est devenu trop sombre, que direz-vous? Es ist zu dunkel geworden. Bien. Es ist zu dunkel geworden.